Hey les gars, j'ai soif. Fais boire ton oreille. Quand ça? Tous les jeudis 22h. Où ça? À CKRL 89.1. Et qu'est-ce qu'on va boire? Du rock, du funk, de la musique psychédélique. Aussi, dégustation de saveurs oubliées, sans oublier les prestations en direct. À CKRL, la radio d'en découverte. Microphone feed. Microphone feed. Microphone feed. Microphone feed. Microphone feed. Vous écoutez CKRL 89.1. La radio des découvertes. De retour à Web Musique. Avant la pause, on a entendu la pièce Blue Ten. C'est par Garo, un artiste qui est sur l'étiquette Moment Sound, une étiquette, plutôt un collectif qui nous vient de Chicago. C'était fait avec un clavier Korg. Souvent, cet artiste-là enregistre directement live, sans se pratiquer. Donc, c'est des prestations presque, on pourrait dire, quasiment jazz improvisées, malgré le fait que ça soit électronique. Parlant de musique électronique, on se déplace cette fois-ci du côté du Mexique, l'étiquette Filtro. Je vous fais entendre Manzi Ping avec la pièce Después de Usted Señor, un groupe, je crois, qui vient du Japon ou Mexique, je ne suis pas trop sûr. Ça va être suivi par Campion, la pièce Popotla Sound Machine. Je vous ai mis une vidéo sur le blog de l'émission. Vous saurez voir ça, c'est assez spécial comme vidéo, assez synchronisé avec la musique. Vidéo enragée. Ensuite de ça, ça va être Revel avec Can't Keep On. C'est un mix par Plug. C'est un artiste qui nous vient de Brooklyn. Donc pour tout de suite, Manzi Ping. Thank you. 要用于驾桥、塔井和修堤等楼高水泥建筑。但据五星乡的群众反映，乡里每年搭车收取的水费和农业开发还贷费，很多都没有用在实处。 什么时候的挖坡？ se termine assez rapidement. C'était Can't Keep On par Rival. Avant ça, c'était Campion avec la pièce Popotla Sound Machine, une pièce assez syncopée. Puis on avait débuté avec Man Zipping avec la pièce Después de Usted Señor. C'est sur l'étiquette mexicaine Filtro. Sur la même étiquette, on va entendre maintenant Absolute Time, un artiste japonais. On va entendre sa pièce An Ocean Bed. Ça va être suivi par Léo avec la pièce Immaculate Deception. Léo qui nous vient du Mexique. Pour tout de suite, Absolute Time. Thank you. Cette année, le 25e Festival de la chanson de Tadoussac met l'accent sur les découvertes et la relève. Avec Cire Pathétique, Alpha Rococo et Alexandre Béliard. Ici, le soleil ne brûle pas la peau. C'est plutôt le sel qui ronge les os. Des artistes prometteurs d'outre-mer tels Loïc Lantoine, Clément Bertrand et Mel. Visitez notre site internet au chansontadoussac.com et vous verrez que nous avons réuni une des plus belles cueillettes d'artistes tout festival confondu. Quand je détraque et que je tic, que je suis pas traque et pathétique. Une présentation de Desjardins en collaboration avec Hydro-Québec. Le 25e Festival de la chanson de Tadoussac du 12 au 15 juin 2008. Informations et réservations 1-866-861-4108. Une invitation de la bière Melgueul. J'ai mis le feu à ses espoirs, j'ai allumé tous les pétards et la lumière du purgatoire. Microphone feed. Microphone feed. Microphone feed. Vous écoutez CKRL, la radio des découvertes. Simon Roy qui est en votre compagnie pour l'émission Web Musique. Avant la pause, on entendait Lao avec Immaculate Deception. C'est un artiste du Mexique. Avant ça, c'était Absolute Time, la pièce An Ocean Bed. C'est un artiste du Japon. Deux artistes qui sont sur l'étiquette mexicaine Filtro. Donc, une étiquette vraiment intéressante. Je vous invite à consulter le blog de l'émission pour en savoir un peu plus sur les artistes de cette étiquette. Pour ça, ben, vous avez juste à vous rendre au www.webmusique.org pour avoir un peu plus d'informations sur ces artistes-là. Pour terminer l'émission, pour la prochaine demi-heure, on va entendre des artistes qui sont sur l'étiquette japonaise Bumpfoot, une étiquette que j'ai déjà faite passer à l'émission. Qui ont quand même pas mal d'albums à leur actif. Les pièces que je vais vous faire entendre, c'est sorti aujourd'hui, donc c'est tout frais, j'allais dire pressé, mais c'est pas des disques, c'est des MP3, donc on va dire tout frais encodé. On va entendre pour débuter Bajan. Il s'agit de deux artistes, un architecte qui s'appelle Nikita Antonov et un designer qui s'appelle Alexander Varganov, tous deux de Sibérie. Donc Bajan, la pièce s'appelle Tesla Tower. Ensuite de ça, on va entendre Ilaya Zonov, la pièce qui sont eux autres aussi russes. Et ensuite de ça, ça va être Darksome Notes, la pièce Furious Elements. Darkson Notes, c'est le pseudonyme de Maxime Moskalenko, un russe lui aussi. Donc, plusieurs russes qui sont sur une étiquette japonaise. Vive Internet. Pour tout de suite, Bajan. Thank you. We'll be right back. vous venez d'entendre la pièce Furious Elements, c'était par Darksome Notes. Avant ça, c'était Ilya Zonov, la pièce E. Puis enfin, on avait débuté avec Bajan, la pièce Tesla Tower. Trois pièces qui viennent de sortir aujourd'hui sur l'étiquette Bombfoot. Bombfoot, une étiquette japonaise, et c'était trois artistes russes. Donc, une étiquette vraiment intéressante qui produit des artistes un peu partout dans le monde, dans le domaine de l'électronique. On va entendre une dernière pièce avant de terminer l'émission. On va entendre Electric Shaker, la pièce Bounce. Donc, pour tout de suite, Electric Shaker.